Valérie. Naya ou commercial, arrase pas et gaz, ça piquera avant détail. Flow, car sinon je rappe mort pour les dominants. Ceux qui prennent les devants, je rappe fort avec les gants. Franc tireur dans le rap, je m'investis à 100%. Comme l'argent du bis dans la vente des stupéfiants. J'ai dans mes poches billets verts et de la résine. J'ai une porte au chapeau vert, pour un truc avec l'ordi. R9-4, trop violent ou fou d'awa. Toujours en marche du commercial, tant qu'on dans le restaurant. Tous les savent qui est le Mac, qui va lyncher. C'est yo du 9-4, c'est pour qu'un pour se cacher. Vire à durée. Choisis les raccourcis, on fume le bon shit, on trempe dans l'illicite. Oh, yeah. Délinquant, juvénile, braquage de prise d'emploi à Paris. J'en place une pour crédit, gentil et blanc ménil. Dérapage forcé, on vient défoncer les portes du hip hop français. On est lancé, okay. Pour neuf quartiers, j'ai dosé des paroles bien cadencées de qualité pour te faire bouger la 2D. Dérapage forcé, on vient défoncer les portes du hip hop français. Toute l'année sous DHC, on vient rapporter un nouveau style. Au style dans l'air RAP, toujours en play. C'est de plus en plus tôt que je vois les mecs illégaux du ghetto fumer du béton pour décompresser. Je sais que c'est mieux que la CC, car y'en a assez de voir ces mecs en consommer devant les lycées ou à la récré. Le pire c'est ces béraux qui s'injectent de l'héros, puis ça touche dans le caniveau. Faut leur mettre un coup de lacrymo. Moi je rêve de me barrer en mode du 4 ans avec mon poteau. J'ai du bon béton dans la chapeau. F2R, mon logo, sous le capot. 200 chevaux, c'est un coup de marteau que j'obtiens mon roro. On est trop à avoir les gros. C'est pour ça qu'il y a tant de maisons d'arrêt. Ce qui me fait moi marrer, c'est de voir les procès de mes frères augmenter. Vous nous avez demandé de nous ranger, d'aller travailler, que nous serons bien payés, mais pas assez pour aller manger. On vit dans une époque de tarés. Tout le monde s'est engrené à sortir le tapé. Certains même ont dérapé, car ici ça sent pas la carotte râpée, mais plutôt le vieux P. C'est pour ça que je viens cracher quelques vérités dans le RAP. Arc cachant mon secteur, vas-y lève le majeur. Gros dealer que pour cramer le shit ici y'a pas d'heure. On vit tous dans la douleur, tout en convoitant le bonheur. On veut tous l'argent du beurre et être son propre employeur. Trop pétard la main frère, j'nique les majors. Flow et lyrics trop hardcore pour un disque d'or. J'ai dormi dehors, respiré de près la mort. Accusé à tort gros par ces fils de pute de porc. J'rêve de fortune, de villa et de corsva. Les pieds sur le bitume, regarde la France d'en bas. On est prêt à tout risquer pour de la thune, c'est comme ça. Remballe ton smic d'esclave, tu m'insultes pas. Grave, l'arrête pas pour ma retraite, excuse-toi. J'compte que sur moi, payer loyer tous les mois. L'État nous raquette, la selve nous la met. Alors on croque dans le bifteck et on leur laisse que les miettes.